l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Nous avons parlé ici même, ça et là, de l'afrofuturisme à ce micro, ce mouvement littéraire qui décrit des sociétés africaines ou afrodescendantes dans un futur prophétique où les individus ne sont plus discriminés ou oppressés. C'est un autre pan de ce mouvement, ni tout à fait superposable, ni uniquement complémentaire, que parcourt Michael Rock dans son troisième roman « Témaron ». Un roman cyberpunk qui se déroule dans une mégalopole antillaise de Cuba au Venezuela, l'Anvil, et qui suit dans un récit choral des personnages en quête du tout-monde, une utopie poétique imaginée par l'auteur et philosophe créole Édouard Glissant. Témaron, le cyberpunk créole, c'est le programme caribéen qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Michael Rock. Salut. Salut, ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous publiez donc votre troisième roman, Témaron, c'est aux éditions La Volte. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Ce sera juste après le journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et donc pour commencer ce journal, l'INRA et Eli Fremer ont rendu hier leur conclusion d'expertise sur la pollution aux produits phytopharmaceutiques. Oui, ce sont tous les produits commercialisés pour protéger les cultures de différents ravageurs, les insectes nuisibles ou les mauvaises herbes. Cette expertise scientifique collective, cette EXCO, c'est un travail important de 45 chercheurs qui ont analysé plus de 4000 articles scientifiques à ce sujet. La dernière expertise remonte à 2005 et celle-ci est beaucoup plus vaste. Elle s'attache à tous les milieux, y compris marins, à la France métropolitaine et à la France d'outre-mer. Leur analyse montre que tous les types de milieux sont contaminés par ces produits, terrestres comme aquatiques. La contamination est bien sûr plus importante dans les parcelles traitées, dans les sols, les cours d'eau voisins et dans l'air, mais on la retrouve aussi dans des zones très reculées, jusque dans les profondeurs océaniques et les zones polaires. Laure Mamie est directrice de recherche à l'INRAE, elle est l'une des pilotes scientifiques de cette expertise. Les résultats qui ont été analysés dans la bibliographie ont montré que les produits phytopharmaceutiques ont notamment des impacts sur les invertébrés terrestres, donc des insectes pollinisateurs comme les abeilles. Ils ont aussi des effets sur les invertébrés aquatiques, donc des larves de moustiques ou des libellules. Et puis aussi, ils ont des impacts sur les oiseaux. Et puis, dans le milieu aquatique, et en particulier le milieu marin, les résultats ont montré aussi que les produits phytopharmaceutiques peuvent avoir des effets, par exemple sur les dauphins, en les rendant plus sensibles à des maladies. Les produits phytopharmaceutiques peuvent aussi avoir, donc, ils ont d'une part des effets directs, c'est-à-dire qu'ils vont directement induire la mortalité d'un organisme, mais ils peuvent avoir aussi des effets indirects. Par exemple, si on regarde les herbicides, ils éliminent donc un certain nombre d'adventices, ou mauvaises herbes, qui peuvent être des habitats ou des supports de nourriture pour certains organismes. Donc indirectement, l'herbicide ne tue pas un organisme, mais il va détruire son habitat ou sa ressource alimentaire. Donc l'analyse de la bibliographie a bien montré que les produits phytopharmaceutiques ont d'une part des effets directs sur certains organismes, ainsi que des effets indirects. Alors, si on regarde le rapport de l'IPBES, qui a été publié en 2019, les facteurs impactants, c'est la modification de l'utilisation des terres ou des mers, l'exploitation directe des organismes, les changements climatiques. Et au quatrième rang, on retrouve l'impact de polluants comme les produits phytopharmaceutiques. La réglementation européenne qui régit la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est une des plus exigeantes au monde et c'est une de celles qui accorde le plus haut degré de protection parce qu'elle est très exigeante en termes de données nécessaires pour évaluer les risques avant mise sur le marché. Mais malheureusement, cette réglementation, bien que très exigeante, elle présente quand même certaines limites. Et notamment, dans le cadre de l'évaluation des risques, elle ne permet pas de prendre en compte la complexité du vivant, comme par exemple les interactions entre différents organismes, ou ce qu'on appelle les effets cocktails, c'est-à-dire les effets de plusieurs substances en même temps sur un organisme. Voilà, comme chaque jour, vous retrouvez sur notre fil Twitter, @laméthodefc, l'intégralité des études qui sont citées dans ce journal des sciences, ainsi que plein d'autres liens qu'on vous poste, et que vous poste Noémie Naguette Saint-Vulfranc tout au long de cette heure en direct. Pas du tout, c'est pas du tout, tout, c'est pas du tout. Si, c'est tout de suite les brefs. C'est tout de suite les brefs. Il est un peu perdu le garçon. C'est depuis que vous m'appelez Jean-François, je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. Allez, on passe au bref de la semaine, Natacha. Alors cette semaine, on découvre que l'Antarctique cache sous sa glace un immense réservoir d'eau. Un peu comme une éponge géante, une couche de sédiments d'un kilomètre d'épaisseur est saturée d'eau fraîche de glaciers et d'eau de mer ancienne, probablement fermée depuis des milliers d'années. Ce vaste aquifère pourrait modifier l'écoulement de la glace en surface. Cette semaine, une expérience britannique avec des adolescentes âgées de 11 à 18 ans a montré que 76% d'entre elles ont reçu des dick pics, des photos de pénis non sollicités, et 70% ont été invitées à envoyer des photos d'elles nues. L'étude met en évidence le problème avec Snapchat et pointe du doigt la normalisation du harcèlement sexuel en ligne. Et enfin, la semaine prochaine, du 9 au 11 mai, c'est le retour du festival de vulgarisation scientifique Pint of Science. Depuis 2013, un Pint of Science, c'est la rencontre des bars et des labos. Les chercheurs et le grand public se rencontrent dans 200 villes de 25 pays. En France, 34 villes accueillent l'événement. Pour participer, c'est gratuit. Les inscriptions se font sur le site pintofscience.fr. Voilà, et tout le programme, une fois de plus, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Dans quelques instants, nous retrouverons notre invité du jour, Michael Rock, auteur du très fort et très singulier Témaron aux éditions La Volte. Et ce sera après le journal de l'ASF. On commence donc ce journal avec une étude parue dans la revue Nature Food. Les régimes alimentaires du futur pourraient drastiquement faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Oui, à l'heure actuelle, la production agricole représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde l'ensemble de la chaîne de production, les systèmes alimentaires contribuent à presque un tiers des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Alors, puisqu'il faut clairement changer la façon dont on produit et dont on consomme, des chercheurs finlandais ont évalué l'impact environnemental de trois régimes alimentaires optimisés. Un régime omnivore, un régime vegan et un régime fondé sur ce que les auteurs appellent les aliments du futur, qui est basé sur les cultures cellulaires, de viande et de lait, des protéines issues de bactéries ou de champignons, des insectes, de la spiruline, des algues. Ils ont comparé ces trois régimes au régime alimentaire traditionnel européen et ont pris en compte trois critères environnementaux, les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte terre, l'utilisation des sols, et l'empreinte eau. Thomas Nem est chercheur et professeur en agronomie à Bordeaux Sciences Agro et chercheur pour l'INRAE. Alors, ce qui est très frappant dans les résultats obtenus, c'est que l'optimisation des régimes omnivores, vegan et puis un régime du futur au régime nouveau conduit à des réductions très très fortes de l'empreinte terre, de l'empreinte eau et aussi des émissions de gaz à effet de serre. Quand je dis une réduction très forte, c'est une réduction de plus de 80% de ces trois impacts environnementaux, empreinte terre, eau et émissions de gaz à effet de serre, par rapport au régime pratiqué aujourd'hui en moyenne en Europe. Alors cette réduction très très forte des empreintes environnementales, elle est due à une transformation radicale des régimes alimentaires avec une quasi-disparition des produits animaux. Alors l'étude elle est intéressante pour deux raisons. La première c'est qu'elle s'intéresse à des produits alimentaires qui sont appelés par les auteurs aliments du futur ou aliments nouveaux. En fait dans la littérature on a assez peu de données sur les impacts environnementaux de ces produits. Et donc, le fait de travailler sur ces produits-là, c'est vraiment une nouveauté intéressante apportée par cette étude. D'autant plus que, et c'est le deuxième avantage de l'étude, les auteurs ont travaillé sur l'intégration de ces nouveaux produits dans des régimes alimentaires. Il y a des régimes alimentaires qui ont été optimisés de sorte à réduire les impacts environnementaux. Mais ces régimes alimentaires, ils ont été construits sous contrainte nutritionnelle. C'est-à-dire que ces régimes alimentaires, ils sont satisfaisants du point de vue nutritionnel en termes d'apport énergétique, d'apport de protéines, d'apport de micronutriments, de vitamines, etc. Et donc, cette contrainte nutritionnelle fait que les régimes alimentaires proposés sont réalistes du point de vue nutritionnel. Ils sont peut-être pas réalistes, par contre, du point de vue économique. Ces produits issus de la culture cellulaire, ça coûte particulièrement cher. Ils sont peut-être pas très réalistes non plus du point de vue des habitudes alimentaires. C'est peut-être pas demain matin qu'on va se mettre tous à abandonner tous les produits laitiers, toutes les boissons alcoolisées, qu'on va se mettre tous à manger de la spiruline ou des insectes, par exemple. Donc, c'est une limite de cette étude. Côté fiction, la série Alien, produite par les studios Disney, vient de trouver son scénariste. Il s'agit de Bobak Esfarjani, qui sera à la fois scénariste et producteur. L'Américain a déjà travaillé sur de grosses productions chez Marvel. Alors, l'intrigue se déroule sur Terre, et non pas dans l'espace, à peu près au même moment que les événements de Prometheus. La production de la série Alien est prévue pour 2023. Le festival Les Imaginales se tiendra du 19 au 22 mai à Épinal. Oui, c'est l'un des premiers salons internationaux spécialisés dans les littératures de l'imaginaire. Et 5 prix sont décernés à l'occasion. Les lauréats de cette 20e édition du prix des Imaginales ont été annoncés. Dans la catégorie roman francophone, le gagnant est Guillaume Chamanadjan pour Le sang de la cité, capitale du Sud, édité aux Forges de Vulcain. L'autrice Mariana Henriquez est récompensée pour Notre part de nuit aux éditions du Sous-sol dans la catégorie roman étranger. Et le prix spécial revient à Martin Aurel pour Excalibur, Durdenval, Joyeuse, La force de l'épée aux éditions PUF. Et par ailleurs, j'attire également votre attention sur un nouveau rendez-vous qui mettra le cinéma de genre à l'honneur. C'est à Paris, au cinéma Harlequin. Et c'est organisé par vous, Nicolas par Martin. Par un certain Nicolas Martin. Oui, je suis très très heureux de lancer, grâce au cinéma du Lac, ce ciné-club. Club de films d'horreur, de films rares, de films bizarres, de grands classiques aussi à revoir sur grand écran. Ce sera le deuxième jeudi de chaque mois. On commence jeudi prochain. Il y aura toujours un invité issu du monde du cinéma de genre. On commence avec un film qui me tient assez à cœur, passé relativement inaperçu, qui s'appelle Vivarium de Lorcan Finnegan, un film très très bizarre avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots. Ce sera jeudi prochain. On vous met les liens réservés parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour le moment, mais avec une belle surprise pour le film du mois de juin, avec un invité de marque. On en reparlera. Et on termine, comme chaque vendredi, Natacha, par la rubrique des sciences improbables. Selon une étude parue dans la revue Science, la race d'un chien ne détermine pas son caractère. Et non, l'obéissance d'un chien, sa sociabilité, son goût pour le jeu ou encore son agressivité ne dépendent pas de sa race. Ces chercheurs américains ont séquencé l'ADN de plus de 2000 chiens, des chiens de race ou des croisés, qu'ils ont recoupés avec les questionnaires des propriétaires de ces chiens. Il se trouve que ce qui peut définir un teckel, par exemple, ce sont bien ses caractéristiques physiques, la taille de ses pattes, la forme de ses oreilles, mais la génomique canine n'a pas d'influence sur ses traits de comportement. Selon les auteurs, il est plus probable que les facteurs environnementaux jouent un rôle plus important dans l'influence de la personnalité des chiens. En d'autres mots, si le caniche de votre tante est une teigne, ce n'est pas parce que c'est un caniche. Et s'il se frotte à ma jambe, c'est que c'est autre un autre problème. Merci beaucoup, Natacha. Et à lundi pour le prochain journal des sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Joe et Patson vivent de petits larcins et tentent tant bien que mal d'échapper aux flics dans les ruelles obscures de la ville basse en Ballanville. Pat, lui, est un vieux de la vieille qui fouille tous les recoins de l'Anvil réel et virtuel dans le cyberespace pour tâcher de retrouver le tout monde dans la ville du haut, en haut l'Anvil. Ezzy et Lonia essayent, elles, d'élucider des disparitions d'enfants. Chapitre après chapitre, chacun de ces personnages nous parle à la première personne et se dessine une cartographie inédite en science-fiction, un paysage qui dépasse l'afrofuturisme pour nous raconter dans une langue mouvante qui emprunte autant aux Français qu'à différents créoles et qu'à l'argot cette quête d'utopie dans une mégalopole caribéenne qui va de Cuba au Venezuela sur les traces du poète et philosophe Édouard Glissant. Cette œuvre iconoclaste, jamais vue ou lue pour ce qui me concerne dans le registre de la science-fiction. C'est donc Témaron, troisième roman de Michael Rock qui est notre invité. Ravi de vous recevoir, Michael. Yes. C'est donc, en fait, de facto, à moins que je me trompe, le premier roman de SF caribéen francophone. Ouais, on peut dire ça comme ça. Avant moi, précédemment, il y a eu aussi Les Tentacules de Rita Indiana, mais du coup, c'est côté hispanique, mm-hmm. Puisqu'elle est de Saint-Domingue, je crois, ou de République Dominicaine. Et côté français, on a aussi Lauren Safou qui a sorti Nos cœurs brûlés récemment, et puis Katie Stewart qui fait de la SF depuis 20 ans déjà aussi. Ouais. Mais qui place pas tout à fait ses récits dans le même contexte. Non, Katie, elle est dans de la SF plus généraliste, effectivement. Ouais. On la salue d'ailleurs, on sait qu'elle écoute régulièrement l'émission et voilà. C'est quoi le point de départ en fait? Parce que vos deux précédents romans sont pas du tout dans la même lignée. Qu'est-ce qui vous ramène finalement? Je crois que vous avez écrit ce roman vous-même. Vous avez grandi à Lyon, vous êtes allé vous réinstaller en Martinique. Donc c'est un roman qui accompagne finalement votre réinstallation. Il y a quelque chose qui vous renoue aussi, vous, avec vos racines culturelles. Qui s'est construit à l'aube de cette réinstallation aux Antilles, il y a 6 ans déjà, ouais. Le point de départ, ça a été surtout de m'apercevoir que dans l'héritage littéraire antillais, il y a très peu de SF. Les auteurs et autrices martiniquais, martiniquaises, guadeloupéens, guadeloupéennes se sont très peu intéressés au futur, finalement, stricto sensu. Et tous les textes qu'ils ont produits ben, sont soit dans le passé, soit dans notre contemporanéité. Et on m'a toujours dit qu'un homme, quand il s'interrogeait sur lui existentiellement, il se posait ces questions, d'où est-ce que je viens, qui je suis et où est-ce que je vais. Et finalement, la littérature antillaise a omis de répondre à cette question, où est-ce qu'on va? Et je me suis dit, bah, c'était l'occasion, voilà, d'aller explorer le futur des Antilles. Alors, il y a plein de choses. C'est un roman qui est pas très très épais, mais qui est un roman vraiment très dense et très riche, qui travaille beaucoup la question. Alors, vous me corrigez si les termes sont pas corrects, mais de la créolitude ou de la créolisation. Créolisation. De la créolisation. Ouais. C'est intéressant parce que c'est un terme qu'on a pu entendre ça et là récemment dans le débat public, ouais. Qui est parfois un peu brandi, qui fait peur, qui est utilisé par la romantisé, droite. Presque. Romantisé, ouais, tout à fait. Ouais. Comment est-ce qu'on se réapproprie finalement cette notion? Comment vous la réappropriez, vous, et à la fois dans la narration, dans l'histoire, mais aussi dans la langue? La créolisation, pour rappel, la définition précise apportée par Édouard Glissant, c'est la mise en contact de plusieurs cultures ou de plusieurs éléments de cultures distinctes, mise en contact brutale, extrêmement rapide, accélérée, et qui donne pour résultat une donnée nouvelle, une culture totalement imprévisible, auquel jamais personne n'aura pensé, ni même par la force du métissage ou par la somme de ces cultures ou leur synthèse. Ici, dans Terre Marron, effectivement, la créolisation, elle se vit à travers le rapport de la langue, notamment par les personnages qui sont mis en scène dans le roman, mais par le rapport que le lecteur et la lectrice aura au livre. Parce qu'il y a vraiment un mélange de niveaux de discours, de différentes langues aussi, qui s'entremêlent. Expliquez-moi un peu comment vous avez dosé tout ça, parce que il y a notamment un personnage, Pat, qui utilise ouais. beaucoup, d'ailleurs, et vous dites que c'est pas uniquement d'ailleurs un créole martiniquais, vous mélangez ouais. Les créoles, vous prenez du créole haïtien, du créole guadeloupéen, qui sont pas tout ouais. à fait les mêmes. Donc il y a vraiment une sorte de patchwork de langues. Comment est-ce que vous l'avez construit? Comment est-ce que vous l'avez dosé? Parce que au fil de la langue, au début, c'est vrai que quand on rentre dans la lecture, c'est un peu déstabilisant. On accepte finalement de se perdre, de pas comprendre absolument tous les mots, toutes les expressions, et puis finalement elles viennent assez naturellement, elles viennent par le contexte, elles viennent à force de répétition, elles finissent par s'éclairer au fur et à mesure de la lecture. Mais j'imagine que ça a été un dosage pas simple à trouver. Ça a pas été simple, effectivement. Le premier axe que j'ai posé pour traiter ce foisonnement culturel de la langue, ça a été d'établir plusieurs personnages. Donc effectivement, on a un roman qui est polyphonique et plusieurs personnages qui naviguent dans cette mégalopole de l'Anville à des étages différents. Donc on a Pat qui vit en bas l'Anville, qui lui du coup bataille dans sa tête entre le français et le créole, effectivement de tout l'arc caribéen, mais aussi un créole qui est parfois futurisé. Oui. Avec des néologismes. Donne-nous exemple de néologisme. Je sais plus technologiqué, par exemple, oui. Sauf que ça s'écrit K-E. Il oui. y a le terme acquiescer aussi. Aux Antilles, pour dire oui, on dit yes I, par exemple. Et donc, le fait d'acquiescer quelque chose, de ouais. transplanter ce I dans le mot, ça donne ce néologisme-là. On a le personnage de Ezzy aussi, qui du coup est, elle, en haut, l'Anville, qui va s'exprimer dans un français plutôt clair, mais très, très cyberpunk aussi. Et puis, on a le personnage de Joe, qui est un migrant, immigré de Nouvelle-Marseille, et qui, lui, donc, parle l'argot des cités marseillaises, mêlé à cet argot provincial de Marseille. Ça a été le point d'entrée pour, justement, faire se rencontrer ces différentes manières de parler, ces différentes manières de penser. Et de voir comment on se situe par rapport à ça. Oui, ces trois voix qui sont vraiment très singulières et en même temps, ce sont à la fois, moi, c'est ça que je trouve assez fort dans ce roman, c'est que ce sont à la fois des voix très singulières et en même temps, ce chant choral se lit comme une forme d'unité. C'est-à-dire qu'il y a finalement une continuité entre ouais. ces différentes voix et entre ces différentes formes d'expression qui est assez saisissante, en fait. Je vous le cache pas que c'est un peu difficile parfois de rentrer au début, mais une fois qu'on a réussi à franchir ce pas et qu'on se laisse emmener finalement par la musique de ces langues mélangées, c'est vraiment assez saisissant. Oui, c'est une lecture qui est assez exigeante, effectivement, mais Disons que j'ai écrit des choses que j'aurais moi-même aimé lire. C'est j'ai ce rapport à la lecture. C'est Kafka qui disait ça, qu'il faut que la lecture soit une hache qui brise la mer gelée qu'on a en nous. Voilà, il faut être perturbé par ces lectures, je pense. Et donc c'est je prends pas mes lecteurs par la main. Je vais jusqu'à les perturber vraiment pour surfer avec eux sur cette vague de la littérature. D'autant que vous dites, Michael Rock, que vous avez vous-même dû apprendre le créole. Vous ne le parliez pas quand vous êtes arrivé en Martinique. Effectivement, j'ai été coupé de cette culture-là par mon histoire familiale. Et donc là, actuellement, j'ai l'esprit d'un enfant de 6 ans qui est encore en train d'apprendre un peu le créole. Ouais. Est-ce que vous nous liriez, par exemple, un extrait pour nous montrer la superposition de ces niveaux, de ces différentes voix, ou en tout cas, expliquez-nous peut-être un petit peu de contexte avant le début de la lecture, où ouais. Vous nous dites où on est, quel personnage parle? Ouais. Alors c'est Pat qui parle et il est à la rencontre de des autres têtes, des autres mafias de l'envie. Pat, c'est un mafia. Ils sont tous réunis et il doit lancer un discours comme un bon chef de clan quelque part. Il dit ça. Accouche, Pat. Ils sont venus pour toi, les tétrales des sectes à l'Anvil, les pères restants des familles ancestrales. Ils sont là à t'attendre, toi et ta pogne, toi et ton boudin, dans le nuage bleu de la fosse. Et tu sais quoi leur dire, bondier ? Pour réveiller leur rage enfouie dans l'ébène de leur squelette, pour qu'ils se lèvent avec toi et te suivent jusqu'au bout du tout monde. Accouche. Ils ont le nez large, considéré les cales esclavagistes, les cheveux tressés, considéré la pluie d'Afrique. Ils savent d'où ils viennent, Bolomtala, de quel bois dur ils sont faits, du bois flotté dans les années de misère, technologiqué par les étoiles écrasantes de l'Anvil. Du bois ridé par la course effrénée de l'Anvil. L'Anvil, considérez la mer qui monte plis en plis. L'Anvil qui avale, qui laisse dans sa robe que des cadavres dans les sargasses. L'Anvil qui laisse rien d'autre qu'une poussière de rouille à ceux qui survivent ici-bas. L'Anvil qui n'attend pas, qui n'a pas à attendre si aurait été bail d'ouvent. Accouche, arrête de cabécher. Tu sais quoi leur dire quand la pénombre est rassurante et les limiers en paix? C'est pas la chaleur de Gaudissart qui délie les langues. C'est le Tiffé. C'est la Sainte Zeb. Accouche. T'es chez toi, Pat. Voilà, premier extrait de Thé Marron de Michael Rock, lu par Michael Rock lui-même, donc, puisque live. C'est mon invité en live. Non, c'était super. C'était vraiment très bien. Et puis c'est très agréable de l'entendre dans votre voix, en fait, parce que c'est effectivement pas assez difficile d'avoir cette musicalité intérieure quand ouais. On n'a pas l'habitude de lire du créole ou quand ouais. C'est effectivement considéré finalement comme des mots ou une langue différente. Et c'est pour ça que je tenais à ce que vous le lisiez, parce que c'est effectivement très agréable d'entendre votre musicalité intérieure et d'entendre cette voix de Pat dont vous dites que ça a été la voix la plus difficile à écrire. C'est celle qui m'a pris le plus de temps, effectivement. Parce qu'effectivement, je parlais pas créole. Donc du coup, j'ai eu un collègue qui s'appelle Kofi Gichot qui m'a aidé à relire tout ça, à vraiment fignoler mon créole. Et puis ensuite, les autres personnages sont venus un peu d'eux-mêmes. J'aime beaucoup travailler la langue dans tous mes romans. Le personnage de Joe qui parle beaucoup argot, ça je m'en suis inspiré parce que du coup les j'ai grandi dans les quartiers et les cités lyonnaises. Donc je suis allé un peu piocher après dans l'argot marseillais, ça a été un autre travail. Mais voilà, ce jeu, cette découverte de la langue, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes romans. Vous diriez quelle date de quand cette découverte? Vous avez le souvenir d'une autrice, d'un auteur, de quelque chose à un moment donné, d'un déclic en disant là il y a un rapport à la langue? Quand je vous entendais, c'est ouais. Marrant parce que j'y avais pas du tout pensé avant, mais en vous entendant parler, j'ai pensé à Pierre Guyotat. Ah, je ne connais pas cette personne. Ah, Pierre Guyotat, ben, jetez un œil, vous allez voir, okay. C'est une langue très très particulière, très poétique, qui très orale, une retranscription. C'est vraiment un travail très très singulier de la langue, mais je vous enjoins d'aller jeter un œil. Vous allez voir, c'est assez sidérant. Ouais. En écrivain qui m'ont vraiment influencé sur l'oralité. Bon, on connaît tous Alain Damasio, évidemment, dans La Horde du Contrevent. Ouais. Ça a été assez fantastique cette découverte de tous ces personnages. cet emmêlement à la fois de l'argot et de la poésie. J'ai aussi Christophe Siebert qui m'a beaucoup influencé dans ce rapport à la langue brute décharnée, j'ai envie de dire. Le point de départ de ce roman, Michael Rock, à quel moment, puisque on va revenir sur vos deux romans précédents brièvement, mais c'est quand même très très distinct de ce que vous aviez écrit jusqu'à présent. À quel moment, quelle est l'idée initiale, à quel moment vous vous dites c'est là-dedans que je vais me lancer, je vais créer cette SF caribéenne, aller puiser finalement dans cette culture caribéenne pour la décliner dans une forme de caribéo-futurisme, si vous m'autorisez le néologisme. Ouais. On n'est pas vraiment dans le clash, hein, c'est de ce que j'ai fait avant et puis on est dans ce prolongement vraiment de toutes mes autres productions. L'idée de base, peut-être il faut la retrouver, la rattacher à ce que je produisais au tout début de ma jeune carrière d'écrivain, quand je faisais encore des nouvelles fantastiques très pulp. Ouais. Le pulp, c'est des récits extrêmement divertissants et puis quelque part iconoclastes. Là, aller puiser dans l'héritage littéraire de Glissant, philosophique, poétique, politique, et puis en faire le leitmotiv d'un récit d'aventure d'une bande de mecs qui savent pas dans quelle galère ils sont, et puis ils se disent on va aller chercher tout le monde. C'est très pulp finalement. Parlez-moi justement de votre de ce contact avec Édouard Glissant. À quel moment est-ce que vous le lisez? À quel moment est-ce que ça devient quelque chose d'important? À quel moment vous avez finalement ce besoin de retourner aux Antilles, retrouver cette culture que vous connaissiez peu ou pas? Ça vient pas de ce besoin de retour, ça vient du constat que je fais quand j'arrive là-bas, de cette multiculturalité, de cet emmêlement de toutes les cultures, qui c'est pas juste une superposition de cultures qui sont mises côte à côte, c'est vraiment un mélange de tous bords, et je m'aperçois que moi-même, je suis le fruit de ces mélanges-là. Et donc c'est une réinvention de moi-même, c'est une réinvention de ce que j'écris, de comment j'écris, comment je pense mon écriture, ma littérature, et du coup bah ça donne ce terme marron. Et c'est quelque chose qui quelque part peut-être manquait à ce que j'écrivais avant, dans juste mes récits fantastiques horrifiques, il leur manquait une substance supplémentaire. Et je suis allé la piocher dans tout cet héritage. Alors pas que Glissant, Chamoiseau aussi, Césaire aussi, parce que c'est un héritage extrêmement poétique et qui m'a touché énormément quand je suis retourné là-bas. Glissant, vous le lisez il y a longtemps, vous le découvrez vers quel âge? Il y a 6 ans. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment retour. Totalement. Ouais. Ça coïncide totalement. Vous pouvez nous expliquer cette notion, parce que vos personnages sont en quête de ce tout monde, de ce qu'il y a finalement, de cette terre qui existerait sous la ville, de cette ville qui a tout recouvert, donc sur une mer asséchée, comme on le disait, qui va de Cuba au Venezuela, de cette mégalopole que vous appelez l'Anville. C'est quoi exactement le tout monde? Qu'est-ce que Glissant, et qu'est-ce que vous entendez? Comment vous réutilisez finalement ce concept? Alors on peut reprendre les mots exacts d'Edouard Glissant. Il nous dit « J'appelle tout monde notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et en même temps la vision que nous en avons. » C'est-à-dire la totalité monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu'elle nous inspire. C'est donc une vision du monde la plus complète possible, la plus représentative possible du réel à travers les différentes réalités que chaque individu vont vivre et vont faire l'expérience, en fait, tout simplement. C'est non seulement les projections que l'on en a, qu'on soit d'Occident ou d'Asie ou d'Amérique du Sud, mais c'est aussi effectivement toutes les cultures mises en relation. Le tout monde ne peut pas s'entendre sans cette notion de relation que chaque être humain fait l'expérience. C'est en ceci que votre littérature, que votre texte finalement se distingue de l'afrofuturisme au sens propre du terme. C'est quelque chose d'autre. C'est un pas de côté. C'est un pas de côté ou encore une fois un petit pas de plus en avant. L'afrofuturisme, c'est pas non plus un monolithe. C'est un mouvement qui déborde de lui-même et qui aussi, on reprend la définition de glissant, qui change et qui perdure en même temps. On a ce gros pôle afrofuturiste aux États-Unis. Mmh. On en a un autre qui est en Afrique, sur le continent, même plus précisément sur le Nigeria. Aux Antilles, on a une vision dans notre société afrodescendante qui est justement celle de la créolisation, celle du choc, de la rencontre de toutes les cultures du monde finalement. Puisqu'il n'y a pas que des Européens et des Africains là-bas, il y a aussi des Chinois, des Indiens qui sont venus après l'abolition de l'esclavage, qui ont été engagés comme main d'œuvre à très bas prix. On a eu aussi une vague d'immigration libano-syrienne dans les années 60 pour les mêmes raisons. Et donc finalement, voilà, comment vivre un récit afrocentré futuriste sans prendre en considération cette diversité qu'on a sur ce territoire-là? Pour moi, c'est impossible. Il faut en parler pour justement atteindre cette juste représentation du monde. Cette juste représentation du monde, c'est le but de l'afrofuturisme. C'est d'apporter à la littérature occidentale des visions qui sont afrocentrées, afrodescendantes, et qui viennent compléter les réalités et donc le réel qui est vécu en Occident. Vous suivez, vous êtes lecteur un peu de ce mouvement qui est en train d'émerger de manière un peu puissante, enfin, pourrait-on dire. Ouais. Oui, Mehdi Okorafor, Teddy Thompson, vous... On va recevoir River Salomon dans très peu de temps. Génial. Yael vient dans peu de temps faire une tournée en France et on a la chance de pouvoir de nous entretenir avec Yael, donc on est assez content. Je vais la rencontrer aux Imagines. Je vais elle accepte la rencontrer aux Imaginales. Elle se définit comme non-binaire. Et ça va être vraiment top. Donc oui, Daley Thompson, Rosewater, oui, excellent roman. Dans son rapport aux scènes d'action, justement, et puis à l'urbanité aussi de son roman, on en retrouve des touches dans Termeron. Mehdi Okorafor, qui est fer de lance quasiment de, alors non pas de l'afrofuturisme, il faut pas la mettre en colère avec ça, l'afrojojoïsme, du ça. Coup, qui pourrait s'apparenter quelque part à de l'afrofantasy, même si ça serait très limitant de dire ça, mais ouais. Et qu'on avait eu la chance de recevoir aussi à ce micro. Génial. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter. On continue à s'entretenir avec Michael Rock tout au long de cette heure. Termaron, c'est comme ça qu'on prononce. Ouais, c'est bien. Ok. Yes. Parce qu'on doit, il y a un accent sur le et. En fait, c'est Termaron. Ouais. C'est un et comme le lait. Ouais. Et en fait, l'accent marque la chute du R du mot terre. D'accord. Donc voilà, on peut prononcer Termaron très très vite, Termaron. Termaron. Et comme ça, on n'entend pas les R. Et un mot sur le titre alors, du coup, puisqu'on en parle. Eh ben, marron, ça fait explicitement référence au marronnage, donc à la fuite des personnes esclavisées en dehors des plantations, qui se libèrent de ce joug de l'esclavage et qui vont vivre libres dans le Zion. Ça fait explicitement référence à ça. Et voilà, un être marron, une terre marronne, une terre de liberté. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h30, nous poursuivons donc notre entretien avec Michael Rock. La question que je voulais vous poser maintenant, puisqu'on va revenir un peu sur Termaron dans quelques minutes, mais littérairement, finalement, d'où est-ce que vous avez l'impression de venir? Quel est votre premier souvenir de littérature marquant? Puisque vous l'avez dit, on va en discuter un peu, vos premiers récits sont fantastiques, assez pulp, parfois assez violents, assez loin d'ailleurs de ce qu'on trouve dans Termaron. Quelle serait la première image marquante pour vous, que ce soit en littérature, en film, pourquoi pas en musique, une histoire qui vous a habité durablement? Qui m'a habité durablement? Si je remonte dans mes souvenirs, ça va peut-être être le Petit Prince. D'accord. Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Et cette légende autour de l'auteur dont l'avion s'écrase quelque part. Ça va être peut-être mon premier rapport à la littérature, à la lecture. Et puis à l'adolescence, on fait un grand saut, ça va être Stephen King. Stephen King, oui, mais c'est, ouais. J'allais vous en parler, parce que dans vos premiers récits, il y a une influence assez nette du sang et de la salive, qui ressemble effectivement assez... On retrouve en tout cas une forme d'inspiration de Stephen King. Complètement. Vous nous en dites un mot de ce récit ? Du sang et de la salive, c'était l'histoire d'un mec odieux, un anti-héros, comme on peut en croiser d'ailleurs dans American Psycho de Bret Easton Ellis. Qui fait la rencontre du fantastique. Donc le fantastique qui vient faire irruption dans sa réalité sous la forme d'une langue planquée quelque part dans les égouts et qui vient donc capturer son corps pour venir l'écraser entre les barreaux de cette bouche d'égout. Voilà, c'est ce déplacement de la réalité vers une horreur dont on n'a pas encore la vision. Qui m'intéressait de travailler à l'époque. Donc ça m'a pris sur plusieurs textes. Et néanmoins, le roman de Stephen King qui m'a le plus marqué, ça a été Marche ou crève, qui est quelque part peut-être un des plus réalistes, en tout cas sans trop de fantastique comme on en a dans ça, par exemple. Et voilà, il m'a quand même embarqué très très loin, Stephen King. Ouais. Vous dites, je suis venu à l'écriture par l'ennui. Ouais, pour la petite anecdote. C'est quoi cette histoire ? Eh ben, j'ai toujours raconté pas mal d'histoires à mes potes toute mon adolescence, et puis on se voyait assez régulièrement. Et à la fin de ma première année de fac, c'est l'été, je me retrouve tout seul à Lyon. Tous mes potes sont partis à droite à gauche en vacances. Moi, j'ai pas une thune, je bosse à l'usine, je fais les 3-8. Et du coup, il faut que je me lève à 3h du matin pour être au boulot à 4h. Du coup, j'ai pas de soirée non plus. Et j'ai que mes après-midi de libre pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et comme mes potes sont pas là, et que j'ai des histoires plein la tête, je me dis, je vais les écrire. Donc, je me mets sur un PC et j'écris. Et quand mes potes rentrent de vacances, je leur montre, regardez, j'ai écrit ça. Ils me disent, c'est cool, continue. Donc, je continue. Sauf que je vois très bien chez mes potes que ils sont pas très lecture, quoi. J'étais le seul à vraiment lire des bouquins à l'époque de la bande, et puis du coup je trouve des lecteurs et lectrices anonymes sur internet, ce qu'on appelle des bêta lecteurs, et donc j'envoie mes textes sur internet et ces lecteurs là ce lectorat là me dit c'est cool, c'est très cool ce que t'écris, continue. Donc, je continue et je me dis si j'atteins 100 pages de petites histoires comme ça, du sang et de la salive par exemple, c'était 3 pages. Donc il fallait faire plus ouais. Beaucoup plus. Ouais, je suis écrivain, je suis très nul en maths. Et du coup je continue jusqu'à 100 pages, et à 100 pages je cherche une maison d'édition qui publie des nouvelles fantastiques en recueil, et l'éditeur me dit c'est cool ce que t'écris. Et du coup on signe. Et c'est vraiment parce que effectivement. Et c'est vraiment parce que cet été-là, je m'ennuyais à mourir les après-midi que j'ai commencé à écrire. Ouais. Exactement. Du sang et de la salive, premier récit. Chez Walrus, vous publiez quelques récits courts. Vos premiers contacts avec la SF, vous citez Dick, Blade Runner, enfin les androïdes, ouais. Le mouton électrique, tout ça. Ouais. Neuromancien de Gibson et Altered Carbon de Richard Morgan. Ouais. Carbone modifié, ouais. qui est un des premiers récits de SF écrit à la première personne aussi, et du coup qui nous entraîne vraiment dans les émotions de ce personnage avec un style très nerveux. J'aime beaucoup la nervosité dans les textes. Du coup, je pense que ça se ressent aussi dans les miens. Et en fait, j'accède à la SF avec mon tout premier roman qui était 100% numérique chez Walrus, qui s'appelait 12. Qui est un roman d'anticipation. Mais qui est un polar d'anticipation. Qui est un polar d'anticipation, effectivement. Une histoire de flic avec une histoire de drogue qui booste les capacités humaines. Et une histoire de vengeance en 12 étapes, d'où le nom... 12. Exactement. Et je m'aperçois que la SF permet de faire passer des messages un peu plus conscientisés, un peu plus politisés en tout cas. Et à partir de là, je ne lâche plus la SF. Mortal Derby X, après, là, c'est votre incursion dans le cyberpunk plus ? Un peu plus cyberpunk, ouais. Effectivement. Et puis un bouquin qui parle de liberté, qui joue encore avec les codes de la SF. Dites-nous en deux mots de quoi ça parle. Récit post-apocalyptique, l'humanité s'est réfugiée dans une immense tour au cœur des Alpes et autour des bidonvilles. Des bidonvilles où pour se divertir, on est retourné à des jeux de gladiateurs qui sont modernes, qui sont le roller derby, sport exclusivement féminin et du coup dans le roman où tous les coups sont permis, surtout la mort. Et donc on suit une réclusée, une nana qui est exclue de cette tour de survivants et qui est obligée de se battre dans les bas-fonds. Ça fait un peu penser à Gun. Ouais, tout à fait. Gun, voilà. Qui a été adapté au cinéma par Rodriguez, qui est Alita. Alita, oui. Exactement. Ouais, mais ouais. Un très très bon manga. Ça fait penser aussi à Rollerball, le film, le premier en tout cas. Le tout premier. Ouais. Et puis au film Running Man. Avec Schwarzenegger. Qui est un remake du Prix du Danger, d'Yves Boisset. Oui, que j'ai vu dans l'avion en venant ici, justement. D'accord. Et mauvais remake. Mauvais remake, mais bien quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve déjà dans Mortal Derby cette notion du haut et du bas, c'est-à-dire d'une société divisée, qui est quelque chose qu'on retrouve assez facilement dans la science-fiction, c'est-à-dire l'idée trope. Ouais. C'est un trope intéressant. C'est une lecture. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette structuration que vous retrouvez, mais de manière certainement plus fine, plus précise dans Termaron que dans Mortal Derby X, mais il y a effectivement cette idée-là, en tout cas, d'une société très verticale, quoi. Grande verticalité. Ouais. J'aime bien les clichés, en fait, et jouer avec les clichés jusqu'à les dépasser. Je pense que c'est la meilleure manière de parler à un lectorat, de le faire rebondir sur des choses qu'il connaît déjà et de l'emmener un peu plus loin. Sur un chemin sur un chemin imprévisible. Et c'est revenu dans Terre Marron parce que le rapport à la verticalité, justement, il est omniprésent aux Antilles. Qu'on se balade dans Zion ou Zion, c'est la nature. Ouais, c'est la nature. Okay. On est toujours face à des murs de végétaux. Ouais. Des murs de végétation. On n'a pas, quand on est dans Zion, on n'a pas d'accès à l'horizon, seulement si on monte peut-être tout en haut de la montagne Pelée, ou dans quelques éclaircies au détour d'un chemin, d'un morne, d'une crête de morne, mais on a toujours ce rapport à la verticalité et du coup je l'ai retranscrit ici en urbanité. Et d'ailleurs, souvent en haut de la montagne Pelée, on voit rien parce que c'est complètement bouché. Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce qu'il y a cette verticalité végétale, il y a cette verticalité urbanistique aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est toujours, c'est les deux axes de lecture de votre roman de Terre Marron, c'est qu'on est vraiment à la fois dans cette verticalité de la ville, c'est-à-dire les murs, les ruelles où on est toujours confronté finalement à des impasses, notamment Joe et Patson. Et Patson, voilà, ouais. C'est parce qu'on confond Patson et Pat, Joe et Patson qui sont toujours vraiment coincé dans ce labyrinthe, ouais. Et de l'autre côté, finalement, l'extrême étendue horizontale de cette immense mégalopole qui recouvre finalement toutes les îles Caraïbes. Ça rejoint cette idée d'identité rhizome que Glissant plaçait dans ses récits, dans sa poétique de la relation. C'est ce grand clash entre la verticalité, l'identité racine, atavique, hiérarchisée, et l'identité rhizome, donc qui est horizontale, dans l'étendue, dans la juxtaposition côte à côte, sans prédation en fait des individus. Après ces récits un peu SF et un peu pulp, vous écrivez donc deux romans. Le premier, Moi Peter Pan, qui est une sorte de continuation, de suite à la première personne. C'est après Stephen King, cette quête de l'individu existentiel. Moi, Peter Pan, j'ai renoué avec ce personnage de Peter Pan qui m'avait en fait finalement bien marqué dans mon enfance et mon adolescence. Un de mes films préférés, c'est Hook de Steven Spielberg. Et en fait, j'en ai fait un personnage que je suis allé travailler. Je trouvais qu'il lui manquait une facette qui n'avait pas été encore explorée par tous ces grands artistes qui ont travaillé le personnage. Donc Spielberg, Barry en premier. Barry qui est l'auteur original du roman. Oui. Loisel qui en avait fait une BD. Sur la bande dessinée remarquable de Loisel. Oui. Et Disney aussi. Sûr, évidemment. Et en fait, on avait toujours un Peter, bah voilà, menteur, manipulateur, psychopathe ou enfantin chez Disney, ou alors amnésique hein, chez Spielberg. Et on n'a jamais eu accès vraiment à l'intériorité du personnage, à ses émotions. Donc je suis allé explorer ça dans ce roman poétique. Et finalement, pas si loin que ça que de l'afrofuturisme. Parce que dans ce texte, j'y place des problématiques qui sont afrodescendantes, qui sont des questions que des jeunes afrodescendants peuvent se poser. Et le fait de placer ces problématiques derrière les étoiles, au pays imaginaire, ça inscrit ce texte dans un mouvement qu'on appelle l'astro-blackness, l'astro-négritude, qui est sous le chapiteau afrofuturiste, finalement. D'accord. Et ça, c'est donc moi, Peter Pan, ouais. Je suis le livre jaune. Ouais. Qui est aussi un projet assez singulier et assez ouais. distinct. C'est une autre mythologie, ouais. C'est un autre personnage qui existe déjà, qui s'appelle le roi en jaune, qui a été inventé par un écrivain de SF en 1850, qui pond un recueil de nouvelles qui s'appelle le roi en jaune, et qui parle pas du tout de roi en jaune. Un recueil de nouvelles qui, étrangement, pour nous qui sommes en 2022, se termine en 1914. Et tout au long des nouvelles, en fil rouge, en sous-texte, on a cette figure d'un roi venu de quelque part derrière les étoiles conquérir la Terre parce qu'il est tombé amoureux d'une femme sur Terre. Et je sais plus, en 2005, je crois, Nick Pizzolatto sort la première saison de True Detective, ouais, ouais. Qui mentionne de nouveau le roi en jaune. Je vois cette saison-là et je me dis, c'est la suite du recueil de nouvelles. Là où on avait la conquête de cette femme, la conquête amoureuse, la série True Detective nous embarque dans la consommation de la relation toxique entre Laurent Jaune et ces femmes qu'il va trouver et tuer sur Terre. Ouais. Et puis je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose encore avec ce personnage, la suite, c'est-à-dire la rupture après la relation. Un jour, mon éditeur m'appelle, me dit « Mike, t'as fait le moi Peter Pan, c'est génial. Est-ce que t'as un autre roman en tête ?» Et je lui dis, j'ai bien envie d'écrire un truc sur l'amour et la dépression. Et du coup, je le relis directement au roi en jaune. Le roi en jaune, dans le recueil de nouvelles, on en a quelques visions à travers une pièce de théâtre dont on a accès qu'au premier acte. Le deuxième acte est censé rendre fou celui qui le lit. Et donc, je me suis mis en tête d'écrire l'acte second de cette pièce. Et c'est intéressant parce que vous parlez de ce roi qui vient au-delà des étoiles. Il y a aussi, ouais. dans Le Roi en jaune, une autre inspiration qui, de fil en aiguille, m'a également fait penser à ça. Vous connaissez certainement. One, two, three. One, two, three. It's back. Getting reacquainted with old friends. Uncle George, the reason I'm back home, my father, he's gone missing. One, two, three! He wrote me. The place he wants me to go is in Lovecraft Country. Voilà, la bande annonce de la série Lovecraft Country, produite par Jordan Peele, et j'amène déjà d'une part Lovecraft et Jordan Peele, deux choses en une. Jordan Peele notamment parce que Us, en haut la ville, en bas la ville. Oui, c'est ça aussi. Il y a évidemment quelque chose de similaire, non? Ouais, complètement dans cette verticalité, cet échange impossible entre le haut et le bas. Même si ouais, dans Terre Marron, je place des clés pour atténuer tout ça, c'est pas très le clash est moins flagrant, je pense. Il faut aller chercher ça. Jordan Peele, j'avais beaucoup aimé Get Out. Ouais. Et Lovecraft Country, c'est pareil. Alors Lovecraft est cité, mais c'est pas un texte de Lovecraft à la base. Le roman qui a inspiré cette série. Mais en tout cas, Lovecraft a été, oui, inspiré par Chambers et le Rouen Jaune. Mmh. On le retrouve dans sa mythologie. Encore une fois, l'idée, c'est de créer avec de la matière quelque chose de déjanté. Mmh. Et d'aller creuser ça. Ce qui est intéressant dans le travail de Jordan Peele et qui fait écho à mon avis à votre travail, c'est que Jordan Peele, qui est à l'origine un humoriste puis qui est devenu un scénariste et réalisateur de longs métrages de genre plutôt, et qui utilise vraiment totalement dans ses films l'histoire collective du traumatisme de l'esclavage et du racisme, mmh, comme étant un ressort finalement de l'horreur qui surgit et qui déchire finalement le voile entre les différentes strates de la société. Ouais. C'est vrai dans Get Out, c'est vrai dans Us, c'est certainement vrai aussi dans Candyman qu'il ne réalise pas mais qu'il produit, ouais, et où il réutilise ces mythes-là, c'est-à-dire qu'il redéfinit finalement une néo-mythologie post-esclavagiste américaine qui est absolument passionnante. Passionnante. Moi, Get Out, il m'a fait flipper, et surtout le dernier, toute dernière scène m'a fait flipper à fond. C'est un film qui joue vraiment avec les peurs afrodescendantes. Ouais. Et puis, Peele s'autorise aussi à jouer avec nos traumas. Notamment en produisant, je crois que c'est lui qui a produit Zem, la série Zem. Peut-être. Je crois que c'est chez HBO ou Prime, je sais plus. Mais voilà, il joue avec ses traumas qui vont du coup être hyper dérangeants dans une société afrodescendante qui apprend tout juste en fait à renouer avec son identité et à se détacher justement des horreurs de l'histoire. Si on revient passer ce petit encart autour de Jordan Peele, on va vous mettre évidemment des références des films si vous les avez pas vus. Je vous recommande vivement Get Out et Us. Les deux sont deux films assez marquants et assez puissants. Sur Terre Marron, si on revient justement aux origines, c'est-à-dire finalement à la source de votre inspiration géographique, il m'a fallu du temps, par exemple, pour comprendre à quoi faisait référence Gaudissa. Gaudissa, c'est un quartier de Fort-de-France. Mais au début, c'est Pat qui en parle. Ouais. Et au début, je pensais que c'était une sorte de déesse ou quelque chose comme ça. C'est rigolo, il m'a fallu du temps avant de comprendre de quoi il s'agissait. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ton rapport à la lecture individuelle. Mm. Gaudissa, pour la petite histoire, effectivement, c'est un quartier de Fort-de-France qui est assez sensible. Un petit peu comme certaines cités marseillaises où il y a trois entrées, donc il y a trois routes pour y aller. C'est un quartier qui est constitué de tours absolument énormes qui tranchent avec le paysage verdoyant qui est tout autour et qui domine littéralement Fort-de-France. Et je pense qu'ils ont la plus belle vue sur le bourg de Fort-de-France, sur Foyal. Et je trouvais ça intéressant de commencer le récit dans Gaudissa et de le présenter comme étant en bas en ville. Mmh. Pour ceux qui connaissent, en fait, ça leur donne une idée d'échelle, de se dire que ces tours-là qui sont au-dessus de nos têtes d'ordinaire, dans le roman, elles sont tout en bas de la société. Ça nous donne une vision de la mégalopole qui est encore plus cyclopéenne. Mmh. Et donc, la cité Gaudissa, le quartier Trenel-Citron. Vous pouvez nous en dire un mot. Il y a une chute d'eau. Il y a une chute d'eau, effectivement, qui tombe. Alors c'est une petite chute d'eau d'ordinaire, une petite fontaine qui est au fond du quartier Trenel. Trenel, c'est un quartier qui a été construit durant l'exode rural très très vite, qui ressemble un petit peu aux favelas de Rio de Janeiro. Qui est toujours en construction et les maisons se sont agglutinées là, de totalement dépareillées. C'est somme toute assez joli de loin. C'est pas vraiment conseillé pour les touristes d'aller se trimballer dedans pour visiter ou faire comme s'ils étaient au zoo ou autre. Vaut mieux, voilà, c'est un lieu d'habitation. Et au fond de ce quartier, il y a une petite place avec une petite fontaine qui coule le long de la falaise, et lors de fortes pluies, en fait, ça devient une véritable cascade qui tombe dans le quartier. C'est hyper joli et en même temps hyper intriguant, hyper déroutant d'avoir ce rapport à très fragile entre l'urbain et la nature qui peut tout emporter d'un coup. Trenel. Comment raconte-nous comment vous l'intégrez du coup dans le roman? Je crois pas que j'en parle de Trenel dans le monde. Non, je parle vraiment de Gaudissart. Trenel est juste en dessous de Gaudissart, en fait. Ouais. Alors, on arrive dans les dernières minutes. Vous allez nous relire un petit extrait, si vous le voulez bien, Michael Rock. Juste un dernier mot qui est aussi intéressant, puisqu'on parlait du travail sur la langue. Vous avez changé d'éditeur. C'est la première fois que vous publiez à la Volte. Et il y a une cohérence dans le fait que vous soyez aujourd'hui chez cet éditeur en particulier. Ouais. C'est parce que le bouquin était clairement dans un axe politique, politisé dans ce rapport à la langue. C'est une question que se posent les personnages et c'est une question que le lectorat va être amené à se poser. À partir de quel moment j'accepte que la langue de l'autre m'écrase ou est-ce que je refuse cette langue ou est-ce que je l'accueille? Pour tenter de la comprendre et de dépasser cette barrière de la langue, cette barrière culturelle. Ce discours un peu politique du vivre ensemble, de l'être ensemble, il me semblait prépondérant. Et donc il était essentiel pour moi de coller ce roman dans une maison qui accompagne ce discours politique. On termine cette émission avec un autre extrait de Termaron, Michael Rock. Je vous laisse choisir. Vous nous dites à peu près où on est. On est avec Ezzie, qui est en surplomb qui est en haut en ville, qui est en surplomb d'un boulevard qui plonge vers les étages négatifs. Et à la frontière entre le bas en ville et le haut en ville, il y a une église et masse de monde. Autour de cette église qui sont là pour veiller un mort. Et donc elle les observe. Plus je nous regarde et plus je nous sens petits, loin des mondains et de leurs valeurs irréelles. Dans la cohue au bord de l'église, une sensation d'étrange nous colle au corps. Une énergie nous gonfle comme la plus dangereuse des marées. Nous avons la rage de n'avoir jamais été vengés ni rétribués, mais encore une fois laissés pour compte. Nous avons la rage de l'injustice. Elle ne nous a jamais quittés. Des temps de l'esclavage, des temps de l'oppression, au temps de la souveraineté, le monde s'est écroulé sans nous emporter, mais sans avoir su se faire pardonner non plus. Aujourd'hui, tout est immobile. Ce qui est en bas reste en bas. Ce qui vit en bas meurt dans les quartiers de Gaudissart, de Tessinville, de Volga. Nous avons la rage, oui, à en écraser 1000 tombolos. Peut-être à en créer un nouveau monde. Voilà, autre extrait de Termaron de Michael Rock aux éditions La Volte. En un mot pour conclure, Michael Rock, la suite. Vous avez commencé à écrire le prochain roman. Qui s'appelle Les choses immobiles, effectivement. Et qui va être une incursion dans la montée des nationalismes antillais, dont on a eu très récemment vent. Vous avez bien avancé, vous avez déjà des... Pas du tout. Ce sera à La Volte. Ça sera sûrement de nouveau chez Mu. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Michael Rock d'être venu nous parler de Termaron. Merci à toi. Je vous recommande vivement cette lecture comme aucune autre qui j'espère vous stimulera, vous intéressera, vous intriguera. C'est aux éditions La Volte. Voilà, et puis un mot pour vous rappeler que si vous ne l'avez pas déjà fait, je serai ravi de vous retrouver jeudi prochain au cinéma L'Arlequin pour le premier numéro de ce ciné-club consacré aux films bizarres, aux films étranges, aux films de genre inclassable. Ce sera donc le jeudi 12, ça s'appelle L'Hurlequin et on vous a mis tous les liens sur le fil Twitter de l'émission. La méthode scientifique, c'est Loïc Dutoit, Eve Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbon, Natacha Trioun, Mindaguet de Saint-Vulfranc, Hélène Trigueros à la réalisation, Marie-Claire Roumabadi à la technique et comme toujours la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.